Chapitre 35e, les Dares. On était en hiver et la famille réunie autour de la table de William Halliburton offrait un aspect des plus gais. Monsieur et Madame Ashley et Henry étaient les hôtes des jeunes mariés, et peut-être ferons-nous bien d'expliquer qu'ils recevaient en la personne de Monsieur Ashley un personnage important. Rien de moins que le grand shérif du comté. Les candidats dont les noms avaient été soumis à l'approbation de la reine étaient les suivants. Humphrey Caldicott, de Caldicott Grange, Sir Harimar, baronnet de Lynch, Thomas Ashley, Esquire, du manoir de Deopham, et Sa Majesté avait bien voulu choisir le dernier nom. On entendit le portail s'ouvrir et quelqu'un marcher rapidement sur le sable de l'allée. Marie, qui était assise au bout de la table, en face de la fenêtre, aperçut le visiteur. « C'est Madame Dare !» s'écria-t-elle. « Madame Dare !» répéta M. Ashley, comme un coup de sonnette retentissait. « Quelle idée, enfant !» « Je vous assure que oui, papa. »« Tu dois te tromper, Marie, » dit son mari. « Madame Dare ne peut pas être dehors d'aussi bonne heure. »« Quels incrédules vous êtes tous, » dit Marie en riant, « comme si je ne connaissais pas Madame Dare. »« Elle a l'air de fort mauvaise humeur. » Madame Dare, bouleversée, l'air furibond, entra dans la salle à manger. Le domestique avait voulu l'introduire dans une autre pièce, mais elle l'avait poussée de côté et arrivait droit à eux. « Qu'est-ce qui l'amenait ici ?» Que venait-elle leur dire? Hélas, la continuation de leur désastre. Les Dares seuls savaient comment ils avaient pu arriver jusque-là, sans que l'écroulement survînt plus tôt. Ils avaient promis de payer ici, de payer là, et les ouvriers en particulier n'osaient pas encore employer des mesures de rigueur contre le vieil Anthony Dare, qui avait si longtemps vécu à Elstonleigh. Ses clients l'avaient presque entièrement abandonné. Cyril était ce que mademoiselle avait dit de Herbert, un vagabond. Il était absolument incapable de s'occuper des affaires. Le cabaret, d'ailleurs, absorbait tout son temps. M. Dare, avec ses cheveux blancs, son dos voûté et ses yeux troubles, s'en allait tous les jours à son bureau, mais la mémoire lui faisait défaut et il tombait dans l'enfance. Depuis peu, il n'avait vécu qu'en engageant leurs meubles de luxe, tout comme les humbles ouvriers de Hanefer, quand l'ouvrage leur manquait. Ils étaient criblés de dettes. Loyers, contributions, gages des domestiques. Leur malheur arrivait à son comble. Ils étaient littéralement sans ressources et ne savaient de quel côté se tourner. Leur propriétaire venait d'apposer la saisie chez eux. Madame Dare, dans l'alarme causée par la venue du gendarme qui avait effectué son installation le matin même, avait couru jusque chez M. Ashley. Quelque idée extravagante lui traversant la tête qu'il consentirait à les aider. « Nous sommes dans le chagrin, nous sommes dans la détresse, » s'écria-t-elle en guise de salutation en se tournant les mains. Tous se levèrent stupéfaits, croyant qu'elle devenait folle. William lui offrit une chaise. « Là, ne vous inquiétez pas de moi, » cria-t-elle en se jetant sur son siège. « Continuez votre déjeuner. J'ai caché nos embarras jusqu'à en être malade, et maintenant il n'y a plus moyen de les cacher, et je suis venu vous prier de nous aider. Ne m'offrez rien, Madame Halliburton, j'étoufferais si j'essayais de manger. » Elle se mit à raconter la langue querelle de leurs ennuis, qu'ils avaient dû se passer d'argent depuis longtemps, qu'ils avaient vécu à crédit et avaient engagé leurs meubles, qu'ils devaient plus qu'elles ne pouvaient le dire, qu'un homme affreux s'était installé chez eux, envoyé par le propriétaire. « Que devons-nous faire? Voulez-vous nous aider, Monsieur Ashley? Votre femme est la cousine de mon mari. Et vous, Monsieur Halliburton, voulez-vous nous aider? Ne savez-vous pas que je suis votre parente? Votre père et moi, nous étions cousins germains et nous avons vécu ensemble dans la même maison. » William se souvenait d'un temps où elle avait mis moins d'empressement, avouer leur relation de parenté. Il se rappelait ce jour où M. Dare avait voulu faire saisir leurs meubles, et où sa pauvre mère avait ébénement lui demandé quelques sursis. M. Ashley s'en souvenait aussi, et ses yeux rencontrèrent ceux de William. « Que désirez-vous que je fasse ? » demanda-t-il. « Je ne vous comprends pas. »« Vous ne comprenez pas. Payez notre propriétaire, » s'écria-t-elle. « Vous avez de la fortune, M. Ashley. Vous pourriez bien faire cela pour nous. » Modeste requête, vraiment. Le loyer en retard depuis 3 ans se montait à plus de 6 000 francs. M. Ashley répondit tranquillement. « Un instant de réflexion vous convaincrait, madame, que ce paiement serait parfaitement inutile. Dès l'instant que l'on connaîtra cette affaire, et sans doute on la sait déjà, d'autres réclamations tout aussi importantes vous seront adressées. » « Les marchands peuvent attendre, » répliqua-t-elle avec irritation. « Attendre quoi? Qu'il vous tombe une fortune du ciel ?» Madame Dare battait le talon du plancher. « Monsieur Dare n'est plus bon à rien, » reprit-elle. « Ce qu'il dit, il l'oublie l'instant d'après. Il devient presque idiot. Je n'ai personne à qui m'adresser, personne à consulter. C'est pour cela que je suis venu vers vous. Vous devez m'aider. Mais je ne vois pas trop ce que je puis faire. Payer vos dettes, c'est à n'y pas penser. J'ai moi-même des paiements et des dépenses à faire. Je ne puis pas, Madame Dare. Madame Dare jouait avec une agitation nerveuse avec le ruban de son chapeau. Voulez-vous revenir avec moi voir ce que vous pourriez faire de Monsieur Dare? Peut-être pourriez-vous décider quelque chose. Je ne comprends rien aux affaires. Je ne puis pas retourner avec vous. Il faut que j'aille ce matin à la séance qui a lieu au palais de justice. Ah oui, dans votre poste officiel, fit Madame Dare d'un ton aigre. J'oubliais que vous étiez président. Quel homme d'importance vous êtes devenu. Très important, en effet, quand je me rappelle le peu d'estime que vous aviez pour le manufacturier Thomas Ashley, répondit-il en souriant. J'irai faire une visite à votre mari dans le courant de la journée, Madame Dare. Elle se tourna vers William. Voulez-vous venir avec moi, vous? Vous savez que j'ai le droit de vous le demander, répéta-t-elle avec vivacité. Il secoua la tête. J'accompagne M. Ashley au palais. Elle se leva brusquement, quitta la chambre. William lui ouvrit la porte. Comment appelez-vous cela? Demanda Henry en élevant la voix pour la première fois. Quoi donc? Fit sa sœur. Ce qui vient de se passer, Madame Mary. Pour moi, j'appelle cela de l'impudence. Doucement, Henry, fit M. Ashley. Oui, mon père, c'est de l'impudence. Comme l'avait prévu M. Ashley, le malheur était déjà connu et la maison était assiégée par les créanciers. Quand M. Ashley et William y arrivèrent après la séance, ils trouvèrent M. Dare seul dans la salle à manger, cette triste salle à manger, témoin de la fin tragique d'Anthony. Il était assis près du feu, ses mains maigries étendues au-dessus de la flamme. M. Ashley prit une chaise et s'assit à côté de lui. « Je crains que vos affaires n'aillent pas très bien, lui dit-il. Nous avons passé votre bureau en venant ici et nous avons vu que l'on y avait apposé la saisie. »« Il n'y a rien à prendre que les pupitres, répondit le vieil Anthony. Madame Dare désirait que je vinsse parler avec vous et voir ce que l'on pourra faire. Que peut-on faire quand les choses en viennent à ce point? Fit Anthony Dare en levant vivement la tête. Voilà bien les femmes. Voir ce que l'on pourrait faire. Si la banque me donnait 150 ou 200 000 francs, peut-être pourrions-nous remonter sur l'eau. Mais il n'y faut pas compter. Il faut laisser aller les choses. Je ne suppose pas que l'on me mette en prison. Cela n'avancerait à rien. Il se recourba et appuya son menton sur sa canne qu'il tenait toujours devant lui. Il reprit bientôt d'un air égaré. Il a dit que l'argent ne nous porterait pas bonheur si nous le gardions. Je l'ai dit 20 fois, Julia, depuis la mort d'Anthony. Il n'y en avait que la moitié à nous, vous savez, et nous avons tout pris. Quel argent? Demanda M. Ashley. Celui du vieux Cooper. Nous étions à Birmingham, Julia et moi, quand il mourut. Le testament nous laissait tout, mais il nous chargea de... M. Dare s'arrêta subitement. Ses yeux étaient tombés sur William. Dans ses accès de délire, il perdait la mémoire et mêlait les choses et les gens de la manière la plus inextricable. « Êtes-vous Edgar Halliburton ? » demanda-t-il. « Je suis son fils. Ne me reconnaissez-vous pas, Monsieur Dare ?»« Oui, oui, votre gendre, » regardant Monsieur Ashley. « Mais Cyril devait l'être, vous savez, il devait être votre associé. » Monsieur Ashley ne fit pas de réponse. Il n'aurait pas été compris. Monsieur Dare reprit, confondant William avec son père. « L'argent nous appartenait par le testament. Vous savez, Edgar, et c'est là notre excuse. » Il n'a pas eu le temps de faire changer ses dernières volontés sur le testament, mais il nous a dit qu'elles étaient injustes, et il nous a ordonné de tout partager avec vous à 1 centime près. Et nous avons tout pris. Nous ne voulions pas vous tromper, mais je ne sais comment l'argent s'en allait. Nous dépensions beaucoup, nous avions des dettes, et quand vous êtes venu plus tard à Helstonleigh et que vous êtes mort, votre part était déjà entamée. L'argent mal acquis est une malédiction, c'est ce qu'il a été pour nous. Voulez-vous me toucher la main et me pardonner? « De tout mon cœur, » répondit William, en serrant la main ridée du vieillard. « Mais vous avez dû travailler, » poursuivit M. Dare, « et cet argent vous en aurait empêché. Il y en avait beaucoup. »« Qui sait s'il nous aurait été utile ?» dit William d'un ton amical. « Si nous avions possédé de la fortune, nous n'aurions pas lutté contre les difficultés, nous n'aurions pas développé toutes nos facultés, et nous n'aurions par conséquent pas réussi comme nous l'avons fait. »« Oui, réussi. On vous estime maintenant, vous êtes devenus des hommes influents. » Et voyez ce que sont mes fils. L'argent était à vous. Bannissez ces regrets, Monsieur Dare, dit William avec compassion. Je crois que cette privation a plutôt été un bonheur qu'un malheur pour nous. Le manque de fortune a peut-être été le secret de notre réussite. Oui, répéta le vieillard en branlant la tête. Mes fils auraient dû apprendre à travailler. Ils n'ont su que dépenser. Il nous fallait être dans le luxe au dedans comme au dehors. avoir des domestiques, des voitures. À quoi tout cela nous a-t-il avancé ? Ils ne répondirent pas. M. Dare resta tranquille un moment, puis levant sa figure égarée, il dit tout bas, d'un air craintif, « Ils m'ont porté malheur. C'est à cause de Herbert qu'elle, cette étrangère, a assassiné Anthony. » Comment le savait-il ? William n'avait confié ce secret qu'à M. Ashley et à Henry, qui, tous les deux, l'avaient enseveli dans l'oubli. Les paroles suivantes de M. Dare leur donnèrent la clé de l'énigme. « Elle est morte, cette femme. Et elle a écrit à Herbert sur son lit de mort et lui a fait sa confession. Il nous en a envoyé une partie, dans l'idée peut-être que nous doutions encore de lui. Mais c'est sa conduite qui en est cause. C'est une chose effrayante d'avoir des fils comme les miens. » Son bâton tomba à terre. M. Ashley le retint pendant que William ramassait la canne. Il respirait péniblement. « Vous n'êtes pas bien ? » s'écria M. Ashley. « Non, je crois que je m'en vais. On ne peut pas supporter des coups si terribles. Est-ce que j'ai vu Edgar Halliburton ? Je croyais qu'il était mort. Est-il venu chercher son argent ?» À ce mot, il frissonna. « Nous avons agi conformément au testament, monsieur. Dites-le-lui. Il peut le voir à l'hôtel de ville. Il ne peut pas nous faire de procès. Il n'a pas de preuves. Dites-lui seulement qu'il aille le voir. » « Nous ferions mieux de le quitter, William, » dit tout bas M. Ashley. « Notre présence ne fait que l'exciter. » Dans la chambre voisine était assise Madame Dare. Adélaïde sortit lorsqu'ils entrèrent. Ils ne purent s'empêcher de remarquer comme elle était triste et comme elle avait vieilli. Elle passait sa vie à regretter la position qu'elle aurait eue si elle avait épousé le vicomte Hawksley. Il était perdu sans retour pour elle, car la fille d'un comte voisin l'appelait son mari. Ils s'assirent auprès de Madame Dare, mais ils ne purent que la plaindre. La ruine la plus complète les entourait. « Nous serons renvoyés d'ici, » disait-elle en gémissant. « Comment trouverons-nous une maison ? Comment vivrons-nous ? » « Vos filles pourraient faire quelque chose pour vous aider, » répondit M. Ashley. « Donnez des leçons. »« Donnez des leçons, ici !» interrompit-elle. « Il est vrai qu'il y a déjà beaucoup de maîtres. Si elles ne peuvent donner des leçons, elles peuvent trouver quelque autre emploi. Travailler. Travailler !» répéta Madame Dare d'un ton perçant. « Mes filles, travailler ! Je ne vois pas ce qu'elles pourraient faire d'autre. Elles ont reçu une bonne éducation. En donnant des leçons, elles pourraient gagner de quoi vous faire vivre. Je vous paierai un logement. » « Je vous donnerai de quoi tenir votre ménage jusqu'à ce que vous puissiez vous suffire. »« Je voudrais que nous fussions tous morts, » fit Madame Dare. M. Ashley se rapprocha d'elle. « Qu'est-ce que cette histoire que fait votre mari sur l'emploi de l'argent que M. Cooper voulait léguer à Edgar Halliburton ?» Elle se cacha la figure dans les mains en poussant un gémissement. « A-t-il trahi cela ? Qu'allons-nous devenir ? Qu'est-ce que nous ferons de lui ? Si jamais famille a été frappée par la destinée, c'est bien la nôtre. » Certes, ce n'était pas sans cause, pensa M. Ashley. Où est Cyril ? Demanda-t-il à haute voix. Il devrait se secouer pour vous aider. Cyril ? Répéta Madame Dare avec un geste de mépris. Lui, nous aider. Vous connaissez bien Cyril. En sortant, ils rencontrèrent Cyril. Quel contraste présentaient les deux cousins. L'un grand, beau, noble, plein d'intelligence, la figure rayonnante de franchise, de candeur, de loyauté, utilisant de son mieux les talents que Dieu lui avait confiés. L'autre, grossier, sale, ses habitudes de dévergondage peintes sur son visage enluminé, les yeux rouges, la laine avinée, laissant ses jours se perdre dans le néant, fardeau pour lui-même et pour ses alentours. Et pourtant, dans leur adolescence, combien les avantages de Cyril avaient dépassé ceux de William. Monsieur Ashley et William s'éloignèrent bras dessus, bras dessous. Ils entrèrent en passant à la manufacture, puis retournèrent chez eux en passant à dessein par Hanefer. Hanefer ! Était-ce bien là, Hanefer ? Hanefer n'était-ce pas jadis un endroit sale et infect, où les enfants barbotaient ensemble dans la boue et les épluchures, et en somme, une vaste étable à porc ? Aujourd'hui, la route est belle et bien tenue. La voiture à 8 chevaux de Sa Majesté pourrait y passer sans encombre. Les maisons sont pourtant les mêmes, mais elles portent l'empreinte de l'ordre, de la propreté, de l'économie. Les fenêtres ne sont plus garnies de chiffons, les carreaux ne sont plus cassés. Et c'est la petite réunion tenue par William Halliburton chez Robert Matisse qui a produit ce changement. Les hommes et les femmes se sont éveillés au respect d'eux-mêmes, à l'obligation de vivre convenablement, à la pensée solennelle qu'après ce monde, il en vient un autre où leurs œuvres, bonnes et mauvaises, les suivront. Ils ont appris à croire qu'il serait possible qu'une phase de la punition d'une âme déchue consista à se rappeler tous les devoirs qu'elle aurait dû accomplir dans la vie et qu'elle avait négligés. Il savait par expérience que cette pensée-là assombrit plus d'un lit de mort. Autrefois, Hannefer s'imaginait que les devoirs de ce monde et ceux qui préparaient pour le ciel étaient divisés par un abîme. Ils avaient compris la fausseté de cette idée. Hannefer avait donc bien changé. Les enfants qui jadis jouaient dans la rue allaient maintenant à l'école. Les Banks avaient dû fermer boutique et la Belgrave n'avait guère de clients. C'était un beau jour pour Hannefer. Monsieur Ashley William le savait bien. Monsieur Ashley avait acheté le bâtiment des Mormons dont nous avons parlé plus haut et n'avait fait cadeau à Hannefer. Ce vaste local servait pour les écoles, les réunions du soir, les clubs, et ce soir même, un grand banquet devait y avoir lieu. Les ouvriers comptaient sur la présence de Monsieur Ashley. Henry avait envoyé ses appareils de chimie pour démontrer quelques expériences et avait acheté une grande lanterne magique. Ce bâtiment s'appelait Institut Ashley. Quelques-uns, et Monsieur Ashley en particulier, trouvaient que le nom d'Institut Halliburton aurait été plus vrai. Mais William s'y était fermement opposé. La pièce de terre qui se trouvait derrière avait été convertie en jardin. Les enfants s'y amusaient sans qu'on leur répétât constamment « Vous allez détruire ces fleurs, vous allez casser la fenêtre, vous allez écraser ces arbrisseaux. » On leur faisait comprendre qu'on se fiait à eux et ils se montraient fiers et dignes de cette confiance. En passant devant la maison de Charlotte, ils l'aperçurent à la porte de son jardin. À la fenêtre, faisant danser un petit enfant, était Caroline Mason. Caroline était la domestique de Charlotte et le bébé était à Charlotte, car Charlotte n'était plus Charlotte Matisse, mais bien Madame Robinson. Elle fit la révérence aux deux messieurs. « Bonjour, messieurs. Je suis allé là-bas leur montrer comment il fallait arranger les guirlandes. J'espère qu'ils passeront agréablement la soirée. « Comment ils ? » s'écria Monsieur Ashley. « Est-ce que vous ne venez pas ?»« Je ne crois pas, monsieur. Adam et Robert y seront, naturellement, mais je ne puis quitter le petit. »« Quelle folie ! » s'écria William. « Charlotte, quel mal voulez-vous qu'il arrive au bébé ? Avez-vous peur qu'il s'échappe ?» « Ah, monsieur, vous ne comprenez pas encore les enfants. Cela viendra, » dit M. Ashley en riant. « Je comprends assez les enfants pour déclarer que celui-là est le plus exigeant de tous. Si vous ne pouvez pas le quitter une heure ou deux, » persista William. « Vous viendrez, Charlotte. Ma femme y sera. Eh bien, monsieur, j'avoue que cela me ferait bien plaisir. Peut-être que je pourrais m'arranger de manière à y aller une heure en laissant Caroline. « Comment va Caroline ?» demanda M. Ashley. Il n'y a jamais eu de jeune femme plus gentille, monsieur. La leçon a été dure pour elle, mais ça lui a appris ce que rien d'autre n'aurait fait. Je crois que Hannefer, avec le temps, en viendra à la respecter. Je crois aussi que Hannefer n'en est pas bien loin, remarqua William. Lorsqu'on a fait un faux pas, on a l'habitude d'en faire d'autres. Caroline, au contraire, employait tous ses efforts à effacer le premier. Je ne pourrais souhaiter une meilleure domestique, dit Charlotte. Je ne pourrais naturellement pas payer une servante. Mais Caroline gagne sa nourriture en m'aidant à coudre mes gants. Je suis contente, et elle est reconnaissante, monsieur. Comme vous dites, Hannefer en viendra la respecter. Comme on respecte avec le temps tous ceux qui cherchent à bien faire, acheva monsieur Ashley.